Jacques Lacan, séminaire L'envers de la psychanalyse, le 17 juin 1970. traduire une ontologie de marquer un fait correct. En attendant que mourir de honte est le seul aspect de la mort qui mérite quoi? La mérite. On s'en est longtemps su. On savait en esprit, c'est d'ouvrir le réduit, pas le dernier, le seul d'ancienne ce qui peut dire un étonnant de l'honnête. Honnête, si tu as honneur, tout à fait. À l'heure de ne pas faire mention de la honte, justement, que mourir de honte est pour lui, pour l'honnête, l'impossible. Ça fait moi de dire le réel. Ça vient pas la mort. Ça vient ça à propos de n'importe quoi. De ramener tout au culte. Si, comme c'est dit, cette fin t'a élite, que la mort s'appuie, se mérite. Or, ce n'est pas éliter l'impossible, je voudrais pas dire en occasion, mais d'en être l'agent. C'est-à-dire que la mort s'appuie, mérite. Le temps au moins de mourir de l'homme qu'il n'en soit rien. Ça arrive maintenant. Eh bien, c'était la seule façon de la mériter. C'était votre chance. Ça n'arrive partout. Ce qui regarde la précédente malchance, alors, il vous reste la vie comme ombre à voir. Parce qu'elle ne mérite pas qu'on en meure. Ça vaut-il que j'en parle? On ne peut pas dire du mouvement en parle. Les 26 éditions ne demandent qu'à leur prendre une feuille. Nous sommes en train de m'y apparaît-il. J'étais content de ce que j'ai dit. Il y avoir comme ça une personne gentille qui a essayé de meubler au premier rang de Pierre-Vincennes. Mais manifestement, personne ne l'a accepté. Très chauvin, juste les oreilles. Le plus digne de me décerner un bon point. Le point de concours du peut y avoir entre minutes et les temps modernes. L'on parle de ça parce que vous allez voir, ça touche à notre sujet d'aujourd'hui. De notre comportement avec la question. Il suffit de faire beaucoup de choses comme ça pour faire très du bien. Quand vous vous souvenez de la publication de certains enregistrements dans la microphone, on se rapport avec vous, il est éclatant à ce moment-là. Vous demandiez ce qui me fracassait. Eh bien, cette vivide provision a fait de honte. Pour que la fête, quand elle viendra, ne manque pas trop de soucis. Je vais me dire la honte que l'avantage. Et c'est ça l'envers de la psychanalyse, très peu courue. Je vous réponds, vous en avez à fond. Si vous ne le savez pas encore, faites une tranche, comme on dit. C'était Rémenté qui est le vôtre, vous le verrez buter à sa face d'une honte vivre. C'est ça que découvre la psychanalyse. Avec un peu de sérieux, vous vous apercevez que ce monde se justifie. Ce sens nourrit pour ce monde. C'est-à-dire de maintenir de toutes vos forces le discours du maître permanent. Régalez-vous, dirais-je, dire bien. Et puis, tournez dimanche à ce sacré libelle de la phénoménologie de l'esprit en me demandant si je vous avais pas bourré la dernière fois en vous entraînant des réminiscences dont je me serais moi-même fait régal. La faute douce est tout l'histoire. Vous y verrez la conscience vive et la vérité de la conscience. Vous vous envoyez de façon à vous faire passer la tête. Plus vous serez ignoble, plus vous serez ignoble, mieux d'ailleurs, ça éclaire après. La réforme ressort de l'université. Toute unité de valeur. À avoir dans votre dernier bâton culture, maréchal en diable, toutes les médailles, comme les tabestiaux, les timbres, comme on ose appeler être. Ça reste ça à profusion. Avoir honte de ne pas en nourrir met peut-être un autre temps. Celui que le réel concerne. J'ai dit le réel. Et pas la vérité, car déjà, j'ai expliqué la dernière fois. C'est en tant que tu sais de l'aide à l'éducation. C'est toxique. Ça endort. Tu sais tout ce qu'on attend. Quelqu'un de charmant. Et sur ma recommandation de l'homme détrompé, Saint-Martin, qui, comme vous le savez, est un jésuite, qui vivait au joint du 17e siècle, il a écrit un grand morceau au début du 17e siècle. C'est là qu'est né. La vue du monde, on vient de lui. On aime que la science. Tu montais à notre zénith, on l'avait senti venir. C'est curieux, c'est beau, c'est comme ça. Je viens d'enregistrer. seulement expérimental de l'histoire. Le baroque, bien, moderne, figuratif, n'est pas que la même chose. C'est commencé avant le juste en même temps. Le pas de l'initiation de la science. Dans ce Criticon, qui est de tous déjà inclus, par exemple, l'intrigue de Madame Fontenoy, qui parle de cette œuvre, qui est pour notre chef-d'œuvre inconnu. Notre Criticon, à la troisième partie, sur le penchant de la vieillesse, puisqu'il prend ce graphe des âges, le deuxième chapitre, mais quelque chose qui s'appelle la vérité en couche. Que n'habitent que les êtres de la plus grande pureté. Ça ne les empêche pas de prendre la suite de tout le coup du sacré coup. Quand on leur dit que la vérité est un travail d'enfant, le manque de foi, justement, ça commençait pour moi cette trouvaille avec le temps de la vie. Expliquer ça, sauf si on n'est pas vu à mon dernier séminaire. C'est justement ce que j'y ai expliqué. C'est là qu'il faut tenir compte. Car vos propos, et vous le supercutez, prenez bien garde, c'est une sorte de lune à trop. Chemin de la vérité. Ce chien, proprement voulu la dernière fois à mettre ici, il n'y a pas de chose, c'est évidemment le être qui en est. J'ai essayé de montrer comment elle se ensemble. Cette vertu, en quoi savoir et vérité sont-ils incompatibles? Lui dis-je, pour m'exprimer comme il me vient, rien n'est incompatible avec la vérité. Pour tous, on crache dedans. C'est un livre bâtard, pour mieux dire, évacuation, du savoir comme dire la vérité. On peut se tenir en permanence, même en rapport. Il est notable que j'ai mis en garde le psychanalyste de connoter d'amour ce lieu à quoi il est fiancé par son sacre. Il dit tout de suite, on n'épouse pas de avec elle, pas de contrat et d'union libre encore moins. Elle ne supporte rien de tout ça. La vérité est séduction d'abord, mais pour le couillon. Comme pas qu'il est étrange, il faut être fort. C'est pas respecté. Ainsi parlais-je au psychanalyste. Le fantôme que je rêve, je râle même pour les bonnes. Pressé à l'heure au jour invariable de plus de temps, je me souviens que la gageure qui m'entra. C'est donc pas vous que j'habite. Je ne courais pas le risque de mourir de la vérité. Mais qui sait que ma forgerie s'anime de psychanalyste? Après, je me laisse le limite de l'espoir, encore pas vérité. La mouche a que la vérité, on est tout à apprendre dans ce lieu commun, nous dit-on qu'à s'y perdre. Chacun en sache un bout, ça suffira. Ce sera bien suffisant. Encore, le mieux sera-t-il qu'il en fasse. Il n'y a rien de plus traître comme instrument. Je sais comment un psychanalyste par l'œuvre sentir d'ordinaire. Il enlève la ficelle de cette vérité à celui qui en avait déjà le fracas, qui explique ce que je deviens vraiment son patient de l'emploi et son souci comme d'une guide. Tout de même, c'est un fait que certains, depuis quelque temps, en font affaire à s'y sentir plus concernés. Peut-être mon influence, peut-être pour quelque chose, pour cette correction, c'est justement le devoir de nous avertir, de ne pas aller trop loin, parce que si j'ai obtenu, c'est d'avoir pas l'air touché. C'est justement la grâce. D'ailleurs, bien sûr, on fait d'en ressortir de quelque terrain. C'est bien. Mais, si le refus n'est pas possible, il ne peut y avoir un terrain. Lui-même peut en être un. Donc, avec ceux qui venaient tout à l'heure à nous, ne pas et qui n'ont pas, comme je le disais tout à l'heure, l'obstacle à entendre ce que je dis qui est à entendre, je vais ici plus loin et c'est pour ça que je vous lis. Je peux le dire, d'un certain niveau de mer immédiate, on doit nous parler aussi. Et puis, il est possible qu'un principe que j'ai pris lors de ce quartier, vulgarité se va dire au mieux comme propre. Je ne confirme pas le principe de l'idéologie adoptée et qui est aussi dans la ligne de ce que j'ai évoqué. C'est une des méthodes, après tout, dont on pourrait faire la question sur la culture, c'est qu'on s'arrache les prix au niveau de ce qu'on appelle une de ces masques dites médiums, c'est bien pourquoi justement pas élever en quelque sorte proportionnellement à l'inaptitude présumée de l'organisation de ce choc, élever le niveau proportionnellement à l'inaptitude en question. Pourquoi ce soit fait qui y avait-vous à trouver? C'est précisément le jeu de la culture de vous engager dans ce système à savoir une attaque de chasse qui n'a pas de soucis. Donc, bien que ce soit encore en tout cas cette table, je me garde remarquable de n'être pas marqué la formule du sujet supposé par ni au principe du transfert. Le savoir supposé donc à mon dit le psychanalyse dans ses transferts. Je n'ai pas dit que le psychanalyste en soit supposé avoir des. On pense comprendre et adjoindre ce complément serait mortel pour le transfert. S'avérer, il n'y a que sa forme en surprise. C'est un en est le preuve. Yeah. qui est l'autre partie de cette fonction de la vérité, et non pas la force, dimension dans laquelle elle se nécessite comme être de quelque chose de caché. Nous suivons de la lettre du Père, il se passe sur la constitution de l'Ancien mais qu'il s'agit de la chose, on achète une différentielle, c'est la partie de la réponse. Chose déjà, vous ne faites pas un homicide. Vous mesurez jusqu'à quel point nous serons rapprochés si on veut avoir quelque chose à faire avec la situation. Voir seulement le roulement du discours du maître. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est que cette introduction est du signifiant. Vous l'avez à votre portée dans le gouvernement. Ça définit sa lisibilité. Alors, il y a le langage, la parole, le savoir. Et tout ça, sans vouloir marcher, nous sommes hérétiques. Nous n'avons aucune trace d'une dimension existante qui s'appelle l'être. Sans encore besoin qu'il y ait des filles d'impression, non pas du tout. Mais en quelque sorte, la défaire est proactive. Le joint qui concerne le fait que nous pouvons toujours demander à lire n'importe quel texte qu'il distingue comme l'invisible. Il faut le chercher du côté de ce système qui est formel. Je vous fais remarquer que l'œuvre littéraire, on n'a jamais vu des choses à dormir de l'outil. Pourquoi est-ce que ça se tient? Pourquoi est-ce que je ne sais pas? On a arrivé là, on a arrivé au bon parc. Nous adorons. C'est une vie volontaire de la vie contemporaine, c'est pas le cas. Allons dormir. Et si vous n'avez pas lu ça, vous pouvez toujours avoir une question. Vous aurez vu dans l'histoire. Il ne comprendrait rien et il nous échappera toujours quelque chose. Il est clair. L'histoire a nous fait suivre l'envers. Coupure milieu de bande. Je suis sûr qu'il n'a pas entendu à la parler. Vous avez lu ça. Vous avez lu, Philippe? C'est exactement le même qu'il y a 100 ans, c'est vrai. Je vais essayer de donner. Aussi, ça disparaît à 5 ans. À propos de la première scène du premier acte de la scène. Nous avions entendu, c'est une pointe qui a été faite. Parce que c'est un excellent qui est à voir. Enfin, c'était extrait. Je sais ce qu'ils en ont fait, ce point de capitaine, ils l'ont porté jusqu'au temps de l'air. Et Oui, je vais t'emmener. J'étais une fille fermée. C'était une façon de leur demander de se rendre compte comment il y a deux choses qui se raisonnent dans le langage très lecture. C'est lisible. Ça fait l'histoire. Je souviens toujours qu'il n'y a pas de métalangage. Justement là, l'important. Tout ce qu'on peut croire être de l'ordre d'une recherche d'état dans le langage, c'est simplement toujours une question sur la lecture. Il avait à faire et une pure supposition. Si on demandait quelque chose à quoi je me suis mêlé, ma place, la vie, la vie, assez particulière, ça m'étonnerait de la mettre comme ça, libre ouvert aujourd'hui, à place à une partie de l'université. Mais en fait, il y a aussi une façon avec les raisons ne sont pas du tout négligeables, mais qui apparaissent d'autant mieux qu'on se reporte à mes petites lettres. Je trouve un peu d'espoir, la superstition, alors l'université. Bien sûr, ils peuvent chercher du côté tout chantier sur un petit bâton. On peut mettre le petit A qui sort et puis le petit d'autre qui sort la nature de la progression du savoir dominé. Depuis le temps que c'est comme bien vite qui nous laisse entrevoir qu'il va y avoir le savoir vite. Je ne suis pas là pour cracher ça. Moi, je vous ai dit, c'est la honte de vie. Bon, je trouvais que justifier avec les petits schémas. Parce que l'étudiant n'est pas déplacé, il se sent très frère, comme on dit. Non pas avec le prolétariat, mais avec le prolétariat. Le prolétariat, en fait, c'est comme la plaie, là, nous. La plaie brunette, c'est des gens très distingués, nous. La lutte de plage. Quand il y a peut-être cette petite source d'erreur au départ, que ça ne se passe absolument pas sur le plan académique. La lutte de classe se place sur le plan d'identification. Et là, tous, beaucoup de squares, mais ils sont du même côté. C'est tout l'Empire, hein. C'est les autres en plus qui savoir que les étudiants se sentent avec les autres en plus. Mmh. pas du tout voir clairement comment sortir de l'eau. Je voudrais leur faire remarquer que l'essentiel facilitaire, c'est la production. La production, que ce soit tous les mois, travail indirect si j'étais un auteur. Je ne suis pas du tout un auteur. Personne n'y songe quand on lit les deux choses. C'est rester très longtemps, soigneusement congelé de l'organe. Et en plus, dans un compte, on ne veut pas d'autre intérêt que d'être le plus près possible du sel. Comme quelque chose qui s'applique à une mise en question du savoir, qu'est-ce que ça produit? Le savoir analytique, c'est ça. C'est bien de ça qu'il était question. Il a été question aussi longtemps que ça ne les a pas tous démangés de venir au tas. C'est intérieur que ceci d'une oscillée par la paradoxale, alors que tout de même, pendant des siècles, tout ce qu'il y a eu de l'indigent a toujours fait au moins comme si on lui avait arraché son feu, son industrie. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui envoie à la sortie des billets de l'éducation. Bref, il pouvait sortir d'une sérieuse mise en question de ce que c'est le savoir. Discours prodigue et probable dans le cadre établi d'université. Il n'y a vraiment aucune raison. Je gagne dans ce lieu comme reste loin de ce quelque chose que présente, non pas pour faire valoir un monsieur, mais pour dire quelque chose. Structurellement, quoi qu'il puisse en advenir, je pourrais avoir plus de portée que je n'ai pas attendu. Je vais chercher comme ça dans ma bibliothèque. Je veux d'ailleurs, parce que je ne vois pas pourquoi j'ai envie de le chercher, aucun besoin de le faire. Mais là, c'est quand même pour bien me réassurer des dates. Un truc comme Diderot, la même, sortait mieux de Drano, il me suivait dans sa poche, enfin, quelqu'un que vous portez à Schiller, enfin, vous savez tout juste, c'était Diderot, disons, ça n'est jamais plus réputé. C'est en 1804 que Schiller l'a passé à Goethe, qu'il a traduit le diaphane. Et nous l'avons eu jusqu'en 1891, je peux vous dire, jusqu'en 1891, une retraduction française de la traduction allemande qui avait d'ailleurs complètement oublié qu'elle était parue un an après, il n'avait peut-être jamais su, elle était en pleine bagarre, pas français allemand, enfin révolution, etc. Supporté assez mal, mais ça, c'était une solution révolutionnaire, bref. Complètement inaperçu cette tradition. Donc, le Dieu lui-même ne savait pas qu'elle était parue. Ça n'a tout de même pas empêché Hegel d'en faire un dédain, pas de traiter du bout, auquel je me suis ainsi référé, savoir la phénoménologie de tout. Vous voyez, bien. Il n'y a pas lieu tellement de se soucier que ce qui sort de vous est comme ça la veille qui vous concerne. Parce que je vous assure, il y a des tâches d'obstacles à ce qui sort quelque chose de possible. maîtresse, jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la vie de la voie. Tout le monde croyait aux choses dans les lois de la terre. Il rapportait à l'auteur. Il y a du génie des pensées. Il a apporté quelque chose d'important qui peut ne le concerner lui-même en rien. Absolument obligé. Ça a été une telle pensée. L'exemple foutu pour l'entendre, la moyenne de psychologie. C'est dans l'ordre des choses qui est clair. Tout peut l'envers de la vie contemporaine dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a pas ombre de psychologie. L'environnement est un petit montage pour voir ce qui nous emmène. Un petit mot de piste. Tout un besoin de la nouvelle psychologie. Je veux vous dire, thank you.